Bonjour messieurs, bonjour mesdames, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée vers le mois de février. J'étais invité à manger avec des gens super sympas, des auteurs, des compositeurs, des musiciens, tout ça, en m'approchant du buffet. Je suis allé voir Mickey 3D, ils portaient leur super survêt. Allez les verts, ils m'ont dit, j'aime bien ce que tu fais, mais y'a pas assez de santé. Moi si j'étais toi, j'en mettrais pas la peine de me remercier. J'ai répondu gentiment que je n'étais pas lui, il m'a dit ok, j'ai compris, je vais respirer mes pâquerettes. Et je lui ai dit, et je lui ai dit, je suis blousé, je suis simple, je suis easy, je suis Charlie. De temps après, j'ai rencontré Carla Bruni. Ben oui, elle est très grande. Je suis arrivé même pas aux jambes. Elle m'a dit que quelqu'un lui avait dit qu'on s'était dit qu'on se dirait qu'on s'aimerait. Moi bon, j'ai dit ok, on se voit après. Dans le coin de la pièce, il y avait Vincent Delerme, tout seul avec son beau piano. Personne ne l'écoutait, pas de peau. Il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais, mais tu chantes un peu trop fort. Ta voix, tu devrais la baisser. Les gens t'écouteraient plus. Merci Vincent pour le conseil, mais moi je suis beau piano, il y a le volume à fond sur mon micro. Et je lui ai dit, et je lui ai dit, bim pam poum, je suis bluesy, je suis easy, je suis simple, je suis bim pam poum, je suis Charlie ça. C'est bien le bim pam poum. Bar, il y avait plein de rockers qui se désaltéraient. Il y avait même Jimi Hendrix. Et il m'a dit, c'est beau ton bordel, mais faut mettre des solos sympas par-ci, par-là. Bon, j'ai dit, écoute-moi mon Jimmy, ma chanson elle est déjà longue. Tu comprends à force, ça va lasser l'auditeur. Il m'a dit, ok, désespère pas et viens boire une DSP. On s'est refait Woodstock, j'ai un peu abusé. On s'est bien amusé et puis je lui ai dit, je suis bluesy, je suis CV, je suis easy, pim pam poum, je suis Charlie ça. Pim pam poum, je suis Charlie. Non mais pim pam poum, c'est bien pour les statues. Je me sentais mal, je suis sorti faire un tour. Et là c'était top of the pop. J'ai rencontré de nouveaux gens. Sur le trottoir y'avait Georges Brassens qui me conseillait de passer un peu plus de temps sur mes textes et de faire des rimes à chaque fois. Et puis de mieux rouler mes airs, nommé au Bourguil's Brun. Lui c'est pas avec ses quatre bouts de bois qu'il va m'apprendre un truc à moi. Qui surveille mieux son gorille, qu'il aille réchauffer sa Margot. Avec ses poteaux on se retrouvera sur son radeau. Et pour finir je te raconte pas, allez-y, je te raconte. Un déclic mon gars, c'était Charlie Van Persson. Yeah man, Bob Marley me souriait me disant qu'il avait ré plus reggae, plus cuivré, un bon ouais. Puis j'ai repris quelques despets, puis lui s'en est roulé. Puis on a bien pété les plombs, on est grave parti en medley. No woman no cry, lion zion, ectos du jamming ray, redemption song, no wayo, no wayo. Liberation, freedom, etc, etc. Puis je me suis réveillé tout dégoûté. Alors pour me réconforter, ben, je suis monté dans la vallée. J'ai rencontré Jésus-Christ, puis il m'a mené chez lui. Il me disait qu'il aimait ce que je faisais. Alors là, bon net, je l'ai stoppé. Vous avez tous du talent, mais laissez-moi mes arrangements. Je veux faire une chanson cool, une histoire longue, bien déjantée. Il m'a dit, je te comprends, moi je n'y ajouterai rien. Ton texte tient la route, la mélodie c'est top, il n'y a pas de doute. C'est vrai que deux accords, toute une chanson, c'est vraiment très recherché. C'est de la créativité, tant que ça sonne, tant que ça groove. Faut pas se prendre la tête, et là ça en est, et puis ça groove. Alors faut pas qu'on s'arrête. Puis il m'a avoué qu'il m'avait emmené pour me présenter sa fille cachée. J'étais comblé, que je peux vous dire les gars, mademoiselle Jésus c'est pas un steak caché. Le top of the beauté en fait, je sais pas si j'étais bien réveillé, car elle a commencé à me déshabiller. Et là je te raconte pas. Vas-y raconte. Mais non là je te raconte pas. Non là c'est pas correct. Vas-y raconte. Dis pim pam poum dis. Et je lui ai dit, En fait, le truc c'est que voilà, moi j'ai dit où ça. Je suis bloody, je suis ciblé, je suis easy, pip, amour, je suis chargé ça. On peut le refaire. Moi, je voudrais dire poum pam pim. Je crois que ça serait. Non. Bon, d'accord. Ok. Pim pam poum. Alors, d'accord.